je commence par remercier les organisatrices, organisateurs de ce colloque et tout le monde qui a travaillé pour que ce soit réalisé. En fait, c'est intéressant parce que le titre général de cette séance, c'est « Convertir ». Et au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur la mission laïque française, à ce moment-là, c'était dans les années 90, au début des années 90, j'étais à Damas à ce moment-là en train de travailler pour autre chose, sur autre chose, à l'Institut français. Et je suis tombée sur un article dans un journal syrien de l'époque mandataire où il était mention de la mission laïque française. Et mon attention a été attirée vers cette chose-là en disant qu'un jour, quand j'ai eu le temps, j'aimerais bien travailler. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça, mais en gardant en tête ce mot-là, mission, qui était intéressant parce que, bien sûr, c'est dans le cadre d'une laïcité, d'une grande laïcité, de la part du fondateur de la MLF. MLF, donc ici, c'est la mission laïque française. Et donc, j'ai intitulé ces réflexions « La mission laïque française au féminin ». En faisant de la recherche dans les archives, ici à Paris, dans les archives de la mission laïque française, je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un organisme intégral de la MLF qui s'appelle le Comité des Dames. Et je n'avais pas travaillé auparavant là-dessus. Je travaillais sur la mission laïque, mais pas du tout sur le côté féminin. Et donc, c'était le moment de commencer à réfléchir sur le rôle féminin ou le rôle des femmes à l'intérieur de cette mission clairement missionnaire et clairement coloniale. Je vais en revenir très rapidement. Donc, ce mot mission, c'est vraiment une mission parce que on est là, les gens ont travaillé pour convertir, pour ainsi dire, pour convertir les gens à la civilisation française, non à une religion. Quoique la plupart des gens qui travaillaient là-dedans étaient catholiques, mais des croyants fervents entre la séparation de l'Église et de l'État. Donc la mission laïque française a été fondée en 1902, et dès le départ, 1902, les femmes ont été partie prenante, et surtout une femme en particulier. Il s'agit de Marie-Jeanne Delhomme, qui est très très présente, la seule femme au départ, qui est très très présente dans la fondation même de cette mission. Marie-Jeanne Delhomme, elle est connue dans la documentation de la MLF comme Madame Potel. Elle est même membre dirigeante de cette mission à partir de la première heure en tant que vice-présidente de la MLF. Et elle s'y implique, comme j'ai indiqué tout à l'heure, même avant la création de cet organisme, dans la mesure où elle participe aux réunions constitutives préalables à l'établissement de la mission. Marie-Jeanne Delhomme va ensuite jouer un rôle tout à fait structurant dans la création non seulement de la mission, mais du comité des dames, appelé tel comité des dames, qui se constitue en 1912, donc 10 ans exactement après la création de la mission laïque française. Le comité des dames, c'est l'aile féminin de la MLF, pour prendre le langage des archives de la mission même. Et le rôle du comité des dames était d'exercer des activités tant à l'étranger, ils ont dit dans les colonies et à l'étranger, donc différence entre colonies, Tunisie, Algérie et aussi en Extrême-Orient, et l'étranger, donc qui se constituent des territoires qui ne sont pas sous influence française. Donc le comité des dames intervient dans ces activités-là, dans les colonies et à l'étranger, mais aussi en métropole. Par exemple, durant la Première Guerre mondiale, elles sont très présentes, les femmes du comité de, des dames en tant que telles, et aussi à titre individuel, mais en tant que telles, dans les œuvres caritatives durant et après la Première Guerre mondiale, dans les domaines dans les domaines médicaux surtout. Donc sur un fond relatif à une interprétation du genre en contexte colonial, je regarde dans ce travail, je regarde les rôles définis et accordés aux femmes par la hiérarchie de la MLF. Donc ce sont des femmes qui par la suite vont définir elles-mêmes les rôles qu'elles prennent, mais au départ, c'est langage habituel, au départ, ce sont les hommes de la mission laïque française qui vont accorder aux femmes un rôle. Je lis seulement une seule phrase à ce propos-là. Donc c'est de l'almanach de la mission laïque française 1913. Le comité des dames a été institué au mois de mai dernier, donc 1912, par le conseil d'administration qui a pensé que dans l'œuvre complexe entreprise par la mission, les femmes pouvaient avoir leurs tâches à accomplir au sein de la MLF. Bon, ça, c'est tout à fait le langage typique de cette époque-là. Donc, les femmes avaient leurs tâches à accomplir. Qu'est-ce que c'était, je me demande alors, ces tâches-là, comment les contextualiser à la fois au niveau de notre manière d'analyser le genre, notre manière d'analyser les rôles des femmes, bon, en général, en prenant les outils méthodologiques qui sont à notre disposition, agency, empowerment, etc. Mais aussi, surtout à cette époque-là, au sein de ce mouvement qui est absolument énorme et qui œuvre jusqu'à aujourd'hui, la mission laïque française, qui est aussi très très présente encore à l'étranger, au Liban, un petit peu en Syrie, mais dans une autre manière, et aux États-Unis, à l'Extrême-Orient et ailleurs. Donc je regarde le rôle déterminant de cette femme dont j'ai fait référence tout à l'heure, Marie-Jeanne Delhomme. Je préfère l'appeler Marie-Jeanne Delhomme que Madame Potel, bien qu'on l'appelle comme ça dans la documentation. Elle n'hésite pas de prendre les devants lorsque la MLF s'engage dans les activités qui concernent les femmes. Elle s'engage donc dans la création avec le comité des femmes, avec, justement avec la femme de Paul Bert, qui s'appelle Madame Paul Bert dans la documentation. On ne l'appelle pas par son prénom, qui est intéressant en soi. Et ces deux femmes-là s'engagent pleinement dans ce projet colonial, le mouvement civilisateur, ce qui est la mission laïque française. Et avant tout, la mission est de dispenser un enseignement laïque aux jeunes garçons et filles habitant les régions d'outre-mer, surtout sous influence française. Je regarde aussi, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, je regarde aussi quels sont les effets sur ces jeunes personnes, enfin, les jeunes garçons et les filles, qui sont ressortissants de ces écoles de la MLF à l'étranger, quels sont les effets sur eux dans leur mémoire, que disent-ils, que disent-elles vis-à-vis de leur passage par les écoles de la mission laïque française. Je voudrais rappeler aussi brièvement... Excusez-moi, non, je... Voilà. J'aimerais très brièvement aussi rappeler le contexte dans lequel s'établit cette mission pour comprendre le rôle du comité des dames, de comprendre la MLF au féminin. Donc la mission s'est établie, j'allais dire sur l'arrière-plan civilisationnel, mais c'est carrément sur le mouvement géostratégique et civilisationnel des autres initiatives coloniales lancées depuis la fin du 19e, début 20e siècle. Donc je l'ai dit, il est créé en 1902, en pleine période coloniale, qui précède par 3 ans la loi de 1905 qui sépare donc l'Église et l'État. Donc, c'est un petit peu comme une précurseur au mouvement qui, aux organismes qui se créaient après 1905. Parce qu'en 1902, voilà, la création de la mission laïque française. Et dans leurs documents, lors des premières années, ils se donnent la mission d'exporter la France laïque de par son action éducative. L'idéal républicain à l'extérieur de l'Hexagone en cette période de forte expansion coloniale, comme rappelle le président de la MLF Jean-Pierre Bayle, 100 ans après la fondation de la MLF, lors des activités du centenaire 2005. Et donc c'est intéressant de regarder ce qu'on dit en 2005 et les documents de 1905 ou de 1902, et souvent, dans d'autres mots, mais c'est souvent la même mission, enfin c'est la même mission qui est donnée par la MLF. Donc la MLF, c'est clairement une expression culturelle, politique du mouvement colonial. Et dans les mots de Pierre Deschamps, c'est lui le fondateur de la MLF, dans les mots de Pierre Deschamps, c'était pour instruire, donc, dans la manière laïque, les jeunes de nos colonies, Lui-même, Pierre Deschamps, il a acquis une expérience professionnelle dans l'enseignement dans les régions d'outre-mer, notamment à Madagascar, à la fin du 19e siècle. Et avec d'autres personnalités, y compris Madame Potel, Jean Dallomme, mais aussi avec Pierre Foncin, qui est le président de l'Alliance française fondée en 1883, et Henri Ferrier, inspecteur de l'enseignement primaire du département de la Seine, que ces gens-là vont œuvrer pour créer la MLF. Je passe donc au comité des dames pour vous dire deux, trois choses de plus. Toujours sur ce fond, ce sont des mots qui sont pris des documents, humanisme colonial, qui prêche un humanisme colonial pour amener les populations locales à se perfectionner eux-mêmes et non d'aller contre leur nature en tentant de les assimiler. Donc dans les débats assimilation, associationnisme, c'est clairement pas du tout dans le mouvement de l'assimilation de cette controverse là. Donc quand on regarde les rôles donc du comité des dames, il y a deux choses, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a deux choses surtout, c'est une première chose, c'est l'enseignement laïque des jeunes filles à l'extérieur. Donc nous sommes concernés seulement avec les jeunes filles. Les comités des dames se concernent seulement avec cela. Il y a une autre branche de la MLF pour l'enseignement général. Mais ici, c'est l'enseignement des jeunes filles. Et l'autre, je l'ai fait mention aussi tout à l'heure, l'ancien, donc c'est l'autre objectif, donc c'était de venir en aide générale aux besoins de la patrie pendant la Première Guerre mondiale. Donc le comité des dames, il établit un lien moral, mais aussi un lien physique entre les institutrices de la mission laïque française à l'étranger, les écoles des jeunes filles, et d'une part l'État de la France, et aussi la hiérarchie de la mission laïque rue Miroménil, pas très loin d'ici, rue Miroménil. Donc c'est un organisme, le comité des dames de la mission laïque, c'est un organisme d'interface, c'est un organisme de lien entre les institutrices qui sont formées pour une certaine période dans l'école Jules Ferry et envoyées très loin, et envoyées dans les colonies et à l'étranger, donc les deux choses différentes. Et donc c'est pour constituer à la fois un lien physique, envoyer des livres, envoyer, on dit tout, envoyer des crayons, envoyer des papiers, des cahiers, etc., aux jeunes filles inscrites dans ces écoles-là à l'étranger, mais aussi un lien moral. Et on parle beaucoup de ce lien moral, parce que en sachant que ces jeunes institutrices, ou même juste des institutrices un peu plus expérimentées, qui sont envoyées au Caire, qui sont envoyées à Beyrouth, qui sont envoyées à Madagascar et aussi en Indochine, on le dit souvent, elles sont isolées, elles sont seules et elles œuvrent pour notre mission. Et donc il y a toute une correspondance qui va entre les institutrices qui sont envoyées à l'étranger et Madame Potel, Marie-Jean Delhomme, et les autres personnes, les autres femmes du comité des dames. Et là, je fais juste une petite parenthèse. C'est intéressant de regarder cette correspondance à la lumière de la correspondance qui a été étudiée très largement dans le contexte de l'Alliance universelle israélite. Parce que là aussi, il y a une correspondance. Je n'ai pas moi-même étudié cela, mais il y a beaucoup de publications sur ça, les liens qui sont créés de cette manière-là aussi entre le siège de l'Alliance universelle israélite et les instituteurs, les institutrices qui sont également envoyés dans les colonies ou dans les territoires sous influence française ou ailleurs. Donc, à titre comparatif, c'est intéressant de regarder cela. Donc, pour revenir à ces liens entre la France et les femmes du comité des dames qui restent ici à Paris, il y a des comités aussi dans les provinces, à Bordeaux par exemple, mais qui restent ici, et les femmes qui sont envoyées très loin, isolées, pour œuvrer, pour accomplir la mission. Il y a également des jeunes filles dans les écoles primaires de Paris, peut-être ailleurs aussi, mais je n'ai trouvé que des informations pour Paris, qui vont envoyer leurs devoirs, qui vont envoyer leurs dessins et aussi des poupées aux jeunes filles qui sont scolarisées dans les établissements scolaires de la MLF à l'étranger. Donc ce lien aussi est intéressant, ce lien qui s'établit entre les jeunes filles françaises donc qui sont scolarisées ici à Paris et les jeunes filles qui sont scolarisées dans les établissements de la mission laïque à l'étranger. Donc c'est sur plusieurs niveaux, la hiérarchie, les femmes elles-mêmes qui travaillent et les enfants, les petites filles qui sont scolarisées. Et là donc pour l'instant, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour l'instant la plupart de mes recherches, mes sources proviennent des archives de la MLF ici en France ou surtout à Paris, et j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé sur place dans les archives locales, sauf dans les journaux. Là, il y en a sur place en Syrie, au Liban. Je n'ai cherché que là pour l'instant, vis-à-vis de la mission laïque française, parce que ce serait intéressant aussi de voir pour ce qui concerne les questions du comité des dames et de la mission laïque en général. Et même pour l'instant, la récolte est très maigre de ce côté-là, donc les archives sont normatives, je dirais. Et une dernière chose, parce que le temps se passe, la dernière chose, vis-à-vis de la rivalité, parce que nous sommes dans un contexte colonial, de la rivalité franco-allemande, et bien sûr britannique aussi. Dans la littérature même de la mission laïque française, on parle surtout, nous sommes en 1912, donc contexte de la Première Guerre mondiale, on parle surtout de la rivalité avec l'Allemagne, qui, je cite, « crée chaque jour des écoles à l'étranger et fait un effort considérable pour nous enlever la place que nous occupons depuis des siècles. Nous voulons défendre l'influence française, répandre la culture française et croyons ainsi servir l'intérêt de la France. » Notamment auprès des jeunes filles qui, par la suite, vont passer le message dans leur famille, une fois devenues mères dans les colonies et dans les territoires à l'étranger. Je vous remercie.